sable silencieux, de soupirs en joli cœur. On se sent soudain surpris d'une si grande douleur. Si c'est toi qui me supplie, si c'est moi qui te souris, c'est qu'on a sans aucun doute de semblables soucis. C'est pas la vie qui nous semble si moche, c'est juste un son qui à nos cœurs s'accroche. Pour un oui ou pour un non, on se sent parfois si con, on se laisse même un peu faire, on bascule à l'envers. Agité, sombre Neptune, vos chevaux au long sillage, ce soir si se noue l'histoire, on sonnera vos sages. C'est pas toi qui me retiens, c'est pas moi qui vais te suivre, c'est pourtant simple à briser ce doux désir de givre. C'est le mystère du désir insolent, incontournable, harassant et troublant. Et si rien ne nous oblige, juste un frisson qui exige, laisse-moi trembler pour elle, mon amour de tutelle. Le sel est vague, aux reflets insaisissables, tous ces symboles superflus, inénarrables fables. Cette fois c'est moi qui supplie, et toi si tu veux, souris. Saluons les soirs de fête sous nos yeux ébahis. Tour et retourne, vie, revolte et balance. Sans aucun doute, la vraie vie commence. Loup velours, grand méchant loup, à choisir je deviens fou. Si je bascule à l'envers, me laisseras-tu faire ? Sur ma peau tant imprégnée, je vacille et je défaille, je suis encore troublé. Dans mon intime délire, tu n'as même pas souri. Pas besoin d'aller plus loin, j'ai tout compris, merci.